Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier cadeau bonus d'80s le podcast. Alors, les cadeaux bonus d'80s le podcast, c'est une nouvelle émission qui vous est proposée par la rédaction d'80s le podcast et qui reviendra sur des sujets d'actualité ou des thèmes qui nous sont chers dans un format plus court que nos podcasts traditionnels sous la forme de discussions détendues entre certains et certaines des chroniqueurs ou chroniqueuses de notre équipe. Alors, pour ce premier numéro, je reçois Mikado Twix. Ça va, Mika ? Salut, bonjour à tous. Et Nico. Salut, ouais. Et plus court on espère, hein. Plus long ça va être difficile, vu ce qu'on a fait avec Robocop. Ce premier numéro donc, va être consacré, actualité oblige, à Harold Ramis, ou plutôt Monsieur Harold Ramis, devrais-je dire. Alors Harold Ramis, c'est un acteur fameux des années 80. Il est donc malheureusement décédé en ce 24 février 2014, à l'âge de 69 ans, des suites d'une maladie auto-immune. Donc ça, c'était pour la mauvaise nouvelle. Donc on va se permettre un petit balayage de sa carrière. Donc Harold Ramis, c'est avant tout donc un acteur qui a démarré sa carrière sur Chicago, puisqu'il est originaire de Chicago. Et les vrais débuts d'Harold Ramis, c'est dans les années 70, en fait, en fin des années 70, avec le film, donc, par exemple, American College en 1978. Donc American College, c'était un film orienté plutôt film de, alors pas collégien puisque aux États-Unis les collèges c'est film d'ado, université, voilà, un film qui était dédié à ce qu'on appelle les fraternités des universités américaines, donc les Alpha, Omega, Epsilon et ainsi de suite, qui ont chacun leur maison et qui en gros font la fête, et ils boivent, voilà, et autres. Donc ouais. ce film, il en était le scénariste et c'est ce qui l'a vraiment envoyé dans le grand bain du cinéma. Voilà. Oui. Donc, en sachant que c'est quand même John Landis qui a réalisé ce film. Et pour situer un peu, John Landis, c'est quand même un des gros réalisateurs cultes des années 80 qui a fait, dans ceux que vous avez certainement vu, les Blues Brothers, le Loup-garou de Londres, qui avait des effets spéciaux juste impressionnant pour... il est sorti en 82, il me semble. C'est des transformations en loup-garou, même maintenant, dans Twilight, c'est pas bien. Il avait fait un fauteuil pour deux aussi, avec un autre acteur de Ghostbusters, dont j'ai tout de suite zappé le nom, c'est formidable. Dan Aykroyd. Ouais, Dan Aykroyd, tout à fait. Et il avait fait aussi... alors moi, je l'ai vu, ça m'avait fait marrer, mais voilà. C'est le film de la quatrième dimension, années 80. Qui avait été une reprise justement de la vieille série en noir et blanc, mais ils avaient fait c'était en 4 petits épisodes dans un film, en fait c'était un film choral, et avec le recul, c'était un peu un film choral avec des réalisateurs, enfin il y a Steven Spielberg qui a bossé dessus, quoi, et Joe Dante qui a fait Gremlins après. Donc, il n'a pas aussi également réalisé Thriller de Michael Jackson? Oui, il avait bossé avec Michael Jackson sur certains trucs. Alors, je ne sais pas s'il a fait Thriller, mais c'est possible, oui. Il a fait Thriller. Et il a fait Black or White aussi. Ah. Voilà, qui était avec des effets de morphing. Si absolument, vous absolument. Bon, avec c'était la première fois, il me semble, qu'ils utilisaient ces effets-là. Et donc, je pense qu'il avait dû mettre son nez aussi dans Ghostbusters. On va parler un petit peu après, pour tout ce qui est effets spéciaux, quoi. Parce que c'était aussi un bon réalisateur, mais surtout un fan d'effets spéciaux, un peu comme George Lucas à l'époque, quoi. Un Black or White avec Macaulay Culkin en enfant, non, je crois. C'est pas ça l'histoire. Je crois me rappeler qu'au tout début, je crois que c'est Macaulay Culkin. Oui. De mémoire, je crois que c'est ça. Alors, après avoir terminé donc cet American College, notre ami Harold Ramis enchaîne, toujours en mode scénariste, sur Arrête de ramer, t'es sur le sable. Donc, Arrête de ramer, t'es sur le sable, rien que le titre, moi, ouais, m'a beaucoup amusé et m'a rappelé toute cette mouvance de films français des années 60-70 comme Elle boit pas, elle fume pas, mais elle cause, ou Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Voilà, croire ça, c'est du copyright Paul Prébois un petit peu, ça, non? Il y avait toujours un petit Paul Prébois. Il y a un truc à faire. Déguisé en Madonna ou quelque chose comme ça. C'était les trucs aussi. Il y en avait des tonnes au Vidéoclub, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était toujours des espèces de jaquettes pourries et avec des titres à rallonge et super mal fichus. Enfin bon, voilà. C'était tous nos souvenirs. Du Max Pécasse, quoi. Exactement. La trilogie de Saint-Tropez et tout ça. enfin bon, du grand cinéma, peut-être qu'on y reviendra dans une autre émission. Bientôt dans une prochaine émission. Voilà. Peut-être que ce soit sorti dans les années 70, c'est merde. Donc pour calmer tout le monde, je vous donne le titre anglais, Meatballs. Ouais. Voilà. Oui, c'est... Comme chez IKEA. Quoi. Les boulettes de viande. Mmh. Alors donc, au niveau de ce film, hormis son titre absolument bouleversifiant, le contenu en lui-même reste quand même pas non plus un monument du cinéma. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est là où il va faire la rencontre d'Ivan Reitman et de Bill Murray. Voilà. Qu'ils le poursuivront dans d'autres aventures, à savoir en 1984 pour le premier grand succès d'Harold Ramis, à savoir SOS Fantôme ou Ghostbusters. Tout dépend comment on est luné, comment on a envie de le dire. Donc ce Ghostbusters réunit le fameux trio et avec également un Dan Aykroyd qui on va pas s'étendre puisqu'on aura l'occasion de dédier une émission à cette série de films que sont Ghostbusters 1 et 2, mais en gros livres, séries télé et tout, voilà, jeux vidéo. On parle pas tout de suite du NES Advantage, alors. Voilà, c'est exactement oui, ça. On le garde sous le coude, ça. Voilà, le Bibendum Chamallow, tout ça. Il y a eu du jeu de rôle, apparemment. Enfin, c'est... Oui. Des céréales. On va en faire une grosse émission d'au moins 7 heures. On va arrêter d'accrocher les enfants. 7 heures sur le 1 et 5 heures sur le 2, quoi. C'est à peu près les clips qu'il faudra respecter. Parce que là, pour le coup, ils sont tous les deux dans les années 80. Donc non, pour parler quand même un petit peu de du rôle d'Harold Ramis dans le SOS Fantôme. Il joue Egon Spengler. Qui est un peu le scientifique de la bande. Ouais. Et qui recherche toujours des traces d'ectoplasme et autres. il est vraiment focalisé là-dessus, c'est ça qui est marrant dans son rôle, c'est vraiment qu'il est, et il joue un peu le savant fou, mais très sympathique au final. Enfin, c'est pas un savant fou qui fait peur, et il a aussi un look assez particulier quand même pour un savant fou. Il a une espèce de look de rocker des années 50, c'est ça qui est assez marrant. C'est pas le savant fou comme on s'imagine dans Retour vers le futur, où c'est vraiment un vieux type qui ressemble à Einstein. Là, il a quand même sa touche personnelle, je trouve. Je suis d'accord. Harold Ramis dans ce rôle-là. Il est assez marrant. Et surtout, il permet un peu de canaliser Bill Murray, si toutefois. on peut canaliser Bill Murray. Surtout dans ce film-là. Alors, par contre, il est non seulement acteur, mais aussi scénariste sur ce long métrage. Mais ils étaient plus ou moins Dan Aykroyd aussi, oui. Ah oui, ils sont tous les deux à l'écriture du scénario. Et c'est un film qui a eu un succès retentissant et qui, alors, a eu une suite, donc, comme je le disais, puisqu'il y a SOS Phantom 2, mais qui arrivera quand même assez tardivement, plutôt vers 1989, 5 ans après. Ce qui est assez étonnant, puisque généralement les suites c'est plutôt 2-3 ans après, à l'époque, moins quand même. Ouais, mais c'est vrai que pour en avoir parlé déjà dans un autre podcast, le Robocop, ça s'est un peu plus vite enchaîné que ça s'est senti. Donc voilà, la doublette des SOS Fantômes a été quand même... Il y a eu un avant et un après pour Harold Ramis. Après, il est vrai qu'entre les deux, il a quand même signé un autre scénario d'un film que j'avais vu il y a assez longtemps en VHS, qui s'appelle « Armé et dangereux ». Et ce film-là traitait de détournement de fonds dans une société de sécurité, en fait. Et du coup, il y avait un côté Tony Musulin. Donc, c'est vrai que quand est arrivée l'histoire de Tony Musulin, ça m'a refait. Rappelle-nous l'histoire de Tony Musulin. Parce bah, c'est le convoyeur de fonds qui, s'est, ah, oui, qui est parti avec le contenu de son... Enfin, qui est... Attention. Il n'a pas forcément été reconnu coupable, mais on va dire qu'il manque quelques millions qui ne sont jamais revenus. Et donc, qu'il est sorti récemment, effectivement. Voilà, il prétend qu'il voilà, ne sait pas où ils sont. Donc voilà, une histoire de détournement de fonds et de... Voilà, enfin bref, c'était, on va dire... Et c'était sérieux, ce n'était pas une comédie. Ah non, c'était... Non, c'était, ah ouais. C'était c'est même plutôt grave. C'était même plutôt grave. Oui, non, c'est... Un vrai film sérieux de sa part, parce que c'est vrai qu'on le connaît plutôt comme comique, quoi, en fait. Voilà, donc du coup, là, dans les années 80, c'était, on va dire, ses principales réalisations en tant qu'acteur et scénariste. Et ensuite... on doit retenir également, bien évidemment, le film Un jour sans fin. Un jour sans fin. Il est trop bon, ce film. Alors moi, je vous fais une confidence, parce qu'une émission sans faire anecdote ou une confidence, hein, c'est pas une vraie émission, c'est mon film culte ever. Voilà. Ouais. Donc malheureusement, on va pas assez tendre, parce qu'on n'est pas dans leur sujet, mais parce que sinon, il faudrait faire Night is le podcast. Mais ce film, j'ai dû le voir un million de fois. Enfin, déjà, rien que le déroulé du film, tu vois le film un million de fois. Parce que si je peux me permettre, je prends la main, je vais faire un petit peu le pitch. Vous m'avez senti chaud sur ce numéro. Bah, grosso modo, déjà, c'est encore une fois, il rencontre son comparse Bill Murray pour ce film, qui est selon moi un des meilleurs acteurs ever. Bah oui. Hein, on peut le dire. Hein. Même maintenant qu'il y a de nouveaux films, il est génial. Ouais, et grosso modo, bah, c'est Bill Murray qui est un peu une starlette de la météo, qui est envoyé dans un bled pas possible au fin fond des États-Unis pour, entre guillemets, fêter le fameux jour de la marmotte, le fameux réveil de la marmotte. Qui existe vraiment, hein, le truc. Absolument, c'est une vraie fête qui existe avec les costumes, ils remettent les costumes d'époque, etc. etc. Et en fonction de l'état de réveil de la marmotte, ils estiment que l'hiver ou non est terminé, je crois. Oui, c'est ça. Et évidemment, il y va à reculons, il y va en tant que citadin et avec un mépris pas possible pour les locaux. Et dans ce film-là, on y rencontre également Andy McDowell, qui est absolument sublissime dans ce film. Bah, ouais. Même aujourd'hui, hein, on peut le dire, hein, y a pire. Hein. Je vous rejoins pas sur ce dossier. Mais... Ah, c'est pas mon genre de femme, mais bon, après, chacun ses goûts. Tu n'aimes pas les cheveux frisés ? Hein, je n'aime pas le genre de... Peut-être que tu le vaux pas bien, je sais pas. Enfin, voilà. je sais pas, mais voilà. Et du coup, pour une raison qu'on ne sait absolument pas dans le film, Bill Murray est victime d'une malédiction. Et en fait, tous les jours qui passent, il revit exactement la même journée, quoi. Et du coup, ça rend des scènes extrêmement cocasses, parce que je pense qu'il doit revivre cette journée un nombre incalculable de fois. Parce qu'à la fin du film, il connaît absolument tout le monde par cœur, quoi. Et on se rend compte qu'au fil du temps, sans trop spoiler, bah il a un changement d'attitude qui est différent par rapport au début du film, parce qu'il s'est mis en tête de conquérir Andy McDowell, qui au tout début de l'histoire le déteste, ils se détestent mutuellement, quoi. Voilà. Il a une journée pour la conquérir, parce que au début de la journée elle le déteste et à la fin elle doit tomber amoureuse de lui. Absolument. Donc, voilà. Parce que tous les matins elle a le droit à son jingle radio qui est les campeurs. Oui, les campeurs. Voilà. Donc ce film est culte. Si vous nous écoutez, j'exige un rapport détaillé des gens qui ne l'ont pas vu. Parce que ce film est à voir, ce film est divin. On les scotche à un siège et on les oblige à le voir. Ouais. Enfin voilà, ce film est formidable. Rien que pour la marmotte qui prend le volant un moment, j'en dirai pas plus. ce film est culte. Je sais pas comment le dire autrement. Bon, définitivement un film à voir, absolument, même s'il n'est pas dans les 80s. Donc sans transition, pour rester avec Andy McDowell, toujours dans les 90s. En 1996 plus précisément, Harold Ramis passe en mode réalisateur également sur Mes doubles, ma femme et moi. Et là, je dois dire que c'est un film que j'ai vu à l'époque sans grandes attentes et j'ai été agréablement surpris. Donc, l'histoire du film, c'est avec Michael Keaton et Andy McDowell. Julien Lepers. C'est un peu ça, effectivement. C'est un peu Julien Lepers. Question, je suis un film de 1996. Et donc, du coup, dans ce film-là, c'est Michael Keaton et un homme très, très, on va dire, pris par ses activités, travail, golf. Il peut pas être partout. Et du coup, par le truchement de la science... On va le cloner. Et du coup, il se retrouve donc avec un clone qui va lui permettre de réaliser donc deux fois plus de choses dans la même journée. Non, voilà. C'est pas tout à fait ça, si je peux me permettre de dire. En fait, l'idée, c'est que je crois que sa femme lui reproche de pas prendre assez de temps pour sa famille, pour eux. Et du coup, l'idée, c'est qu'il envoie son clone, parce que je crois qu'il est maître d'œuvre ou un architecte, quelque chose comme ça, sur les chantiers pour que lui fasse la popote à la maison et qu'il ait totalement le temps de s'occuper de lui, quoi. Enfin, de lui, pardon, de sa famille, quoi. D'accord. Oui, bah, et évidemment, voilà, le plus absolu, personne ne doit savoir. Le clone, il a sa cabane au fond du jardin. Et c'est assez rigolo parce que très rapidement, et ça, c'est je trouve... Moi, c'est un film que j'ai découvert assez tard, donc je l'ai un peu bien en tête et j'ai également beaucoup apprécié. Et pourtant, je pensais vraiment aux mauvais films, comme on pouvait en voir quand même régulièrement. Bah, le titre est très mauvais, quoi. Bah ouais, puis en VO, je crois que c'est Multiplicity. C'est mieux, c'est ça, ouais. C'est ça, ça sonne mieux, ouais. Je trouve, quoi. Mmh. Et rapidement, en fait, le clone, bah, lui aussi, a envie d'avoir du temps pour lui, voilà. Et pour sa compagne. Et ça, c'est, pour moi, c'est le truc extraordinaire du film, c'est qu'il fait un clone de lui-même, donc en fait un clone du clone. Sauf que c'est comme pour les cassettes audio d'époque, à force de faire des copies, il y a un moment, on va dire, on perd en qualité. Voilà. Et le clone est un petit peu, vulgairement parlant, il est un petit peu super débile, quoi. Et ça rend des scènes... très très drôle, quoi. Ah, excellent. Ben, y avait un épisode des Simpsons qui parodie ce film, du coup, où Homer trouve un hamac magique. Ah, je m'en souviens, quand il tourne, je sais plus. Donc, ouais. A priori, les copies sont bonnes, hein, parce qu'il n'est pas plus bête qu'Homer. Enfin, lui, il est en bas de l'échelle, on va dire. Et c'est assez rigolo, parce qu'à la fin, il s'en fait des centaines et il est obligé de les balancer dans le Grand Canyon. Enfin bon, c'est... J'avais pas vu ce film. Ouais, je te le conseille. Regarde-le. Bah, radicalement différent de Un jour sans fin, j'ai vraiment retrouvé le même esprit. La même touche. La même touche, le même humour, quoi. Vraiment, Michael Keaton en humour, je pense qu'il peut être vraiment très bon, quoi. Parce que. On rigole un peu sur le fait que ce soit Julien Lepers, mais c'est un super acteur. Ah, Michael Keaton. Malheureusement, dans le reboot de Robocop, je ne l'ai pas trouvé très drôle, mais bon, c'est autre chose. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne vais pas spoiler, mais ce n'est pas le plus drôle dans le film. Hein, d'accord. Ce n'est pas celui qui joue le mieux non plus, mais bon, c'est autre chose. Hein. Ah. Donc, suite à ce film donc, de 1996, on parle sur la suite de sa carrière qui bascule sur Mafia Blues. Alors là, Mafia Blues, c'est plutôt dans les années 99, de mémoire, 99-2000. Et, 99, oui. Ah, c'est ça. Mmh. 99, donc ce film réunit Robert De Niro et Billy Crystal. Et là, je vais me permettre de laisser Nico en parler, puisqu'il a l'air de pouvoir. Ouais, ouais, j'avais bien aimé ce film au final. En fait, c'était un de ces premiers films où je commençais peut-être à avoir la maturité à me dire la bande-annonce, c'est pas le film. Et la bande-annonce était vraiment très drôle, mais je me méfiais du film final en fait. J'avais un peu l'impression qu'on allait voir toutes les meilleures gags du film dans la bande-annonce. Et en fait, non, c'est quand même plutôt un film qui se tient bien sur toute la longueur. En gros, le pitch, c'est un grand chef de la mafia, interprété quand même par Robert De Niro. Vito Corleone. Non, Michael Corleone y joue. Il joue le chef des Corleone, en gros, et du parrain. Et du coup, il reprend vaguement son rôle, sauf qu'en fait, il fait une crise complète il en a marre de toute cette. Enfin, c'est pas qu'il en a marre de la violence, mais en gros, il peut plus être violent. Il y a vraiment, il fait un burn-out de son métier. Sauf que son métier, c'est de faire peur aux gens. Et donc, quand il arrête de torturer les gens, il commence à être en danger parce que sa famille est en danger, on va dire. Et du coup, il croise accidentellement Billy Crystal, qui lui est psychologue, qui est un peu aussi une caricature de psychologue juif new-yorkais, on va dire, sans tomber dans la caricature. Mais c'est un film qui est assez caricatural, hein. C'est de là d'où vient l'humour aussi. Et du coup, il fait une thérapie avec ce type, quoi. Sauf que Billy Crystal, il est complètement terrorisé par ce tueur de la mafia. Et l'autre, il va pas bien du tout. Et du coup, ça fait un assez. L'idée est très, très, très, très bonne. Le problème étant que ça a dû vraiment très, très, très bien marcher. Et du coup, ils ont fait une suite. Et la suite reste sympa, quoi. Je veux dire, c'est pas un mauvais film, mais c'était peut-être pas nécessaire de faire une suite, quoi. Parce que j'en ai vu que des duos d'acteurs qui est sympa. De Niro, il est vraiment excellent. Enfin, quand il a pris son tournant un peu comique. Ton avis, Mika, ça vaut un jour sans fin ou non ? Oh non, c'est un ton en dessous. Hein. C'est un bon film. C'est un bon moment. Tu t'attends à des caricatures de Niro. Et il y a des caricatures de De Niro qui sont excellentes. Oui, Billy Crystal, il fait le job. Bon, moi, c'est un acteur culte parce que avec Mika Det, quand j'ai vu à peu près 150 fois quand Harry rencontre Sally, donc il fait le boulot, mais sans grande folie non plus, quoi. Enfin, je l'avais vu, bon, comme ça, tout de suite maintenant, je préfère revoir Un jour sans fin pour la 12 000e fois, quoi. Pour continuer quand même sur la carrière donc d'Harold Ramis, au niveau des années 2000, c'est plus vraiment ses réalisations, il en a deux qui sont Faux Amis en 2005 et son dernier film en tant que réalisateur qui est L'an 1 des débuts difficiles, Year One en anglais. Avec vu celui-là, mais ouais. Il est prometteur parce qu'il y a Jack Black dedans quand même. Voilà. C'était le début de la mode Jack Black, non ? Si on peut résumer en fait la carrière d'Harold Ramis, la petite déception, c'est quand même qu'il n'ait jamais gagné d'Oscar pour aucune de ses productions. Et il a quand même eu ce qu'on appelle un BAFTA, donc les récompenses britanniques, pour... ça va faire plaisir à Mika, pour le scénario d'Un jour sans fin. Mais évidemment. Est formidable. Idée du siècle. Voilà, donc c'était pour faire un peu le bilan suite à la disparition d'Harold Ramis. Nous tenions absolument à lui consacrer ce premier cadeau bonus d'80s le podcast. Donc on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et puis de toute manière on se retrouvera sur de nouveaux numéros tels que celui-ci sur d'autres sujets qui nous tiennent à cœur et des thématiques diverses et variées. Donc, Nico, Mika, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Et puis, toi aussi, tu as le droit de te coucher que quand tu as vu Un jour sans fin, par contre. Voilà, et puis voilà, Mika, tu vas pouvoir aller voir le Un jour sans fin en tchèque ou en roumain, je ne sais quelle langue tu n'as pas encore vu, mais je te laisse à une nouvelle diffusion. Moi, j'ai qu'un regret, c'est que je ne l'ai pas vu au cinéma, quoi. Ah, moi, je l'ai vu au cinéma. Oh là là là. Ah, et avec le pote, justement, qui m'avait fait voir Robocop. Donc, bloc. Et franchement, on est rentré chez nous, on habitait l'un à côté de l'autre, et on en a parlé pendant 2 heures après, quoi. On s'est tapé une heure et demie de film et après on n'arrêtait pas de discuter de ce film, on trouvait ça juste trop génial. Le concept est génial et l'exécution, ce qui n'est pas toujours le cas, est vraiment excellente. Il n'y a rien de maladroit dans ce film, il n'y a rien qui est mauvais. Ouais, c'est nickel. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser. Heures, et puis vous allez faire un petit cadeau bonus dédié à ce film. Hein. Puis moi je vais aller le voir et puis je vous retrouve juste après. Bonsoir et bienvenue à 90s le podcast. Je suis ce soir en compagnie de. Et pour ce nouveau numéro, on fait un spécial A Grand Day. Alors on peut bien évidemment pas se quitter, finir une émission dédiée à Harold Ramis sans diffuser la chanson titre de Ghostbusters SOS Fantôme de Ray Parker Jr. Bien sûr, Ghostbusters. Allez, à très vite et bonne soirée à vous. Ciao. Ciao. Bonne soirée, les amis. C'est le sosie de qui, Ray Parker Jr., le mec avec les pattes là. Je sais pas. Si. Wait, is it me you're looking for? Lionel Richie. Lionel. Mais oui, il fait penser à Lionel. 50 kilos en plus. Oui.